Villonnel. Dis-moi quelle fut la chanson que chantaient les belles sirènes pour faire pencher des trirèmes les Grecs qui lâchaient l'aviron. Achille, qui prit Troie, dit-on, dans un cheval bourré de sang, Achille fut grand capitaine. Or, il fut pris par des chansons que chantaient des vierges hélènes. Dis-moi, Vénus, je t'en supplie, ce qu'était cette mélodie? Un prisonnier dans sa prison en fit une en tripolitaine, et si belle que sans rançon, on le rendit à sa marraine qui pleurait contre la cloison. Nausicaa à la fontaine, Pénélope en tissant la laine, Xerxis peignant sur les maisons, ont chanté la Faridondaine. Et les chansons des échansons, écho d'écho des longues plaines, et les chansons des émigrants, où sont les refrains d'autres temps que l'on a chantés tant et tant? Où sont les filles aux belles dents qui l'amour par les chants retiennent? Et mes chansons, qu'ils m'en souviennent.